Naturellement Parc, l'émission du Parc naturel régional de Lorraine. Cet été, partez à la découverte de la Lorraine avec un réseau d'adresses et de bons plans conciliant préservation de l'environnement, partage et lien au territoire. Pour vous guider et inspirer vos vacances, on vous propose 6 escapades éco-positives valeur Parc naturel régional de Lorraine. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, vous êtes en Lorraine. Quelque part entre fleuve et Ar, je vous emmène à la découverte de la vallée de la Meuse à vélo. Allez hop, enfourchez votre petite reine et suivez l'Eurovélo numéro 19. À votre rythme, serpentez le long du fleuve de Commercy à Verdun, en lisière du parc. Le long des rives, encore sauvages par endroits, régalez-vous de paysages charmants et des richesses naturelles, des noues, bras morts et autres zones humides. Ils constituent autant d'habitats capitaux pour de nombreuses espèces d'oiseaux très sensibles, comme le guépier d'Europe, un hôte au plumage coloré, ou le discret râle des genêts qui aime y faire son nid. Slow, mais alors tout slow, observez et écoutez le chant des oiseaux en toute saison. Entre le château de Stanislas à Commercy et Saint-Miel, une petite ascension vous attend. Vous allez avoir chaud. Mais comme vous aurez pris le soin d'acquérir quelques précieuses madeleines de Commercy pour tenir sur la route, vous devriez, je n'en doute pas, vous en sortir aisément et être en pleine forme pour découvrir dans sa ville natale l'inégalable mise au tombeau de Ligier Richier. Il a 500 ans cette année. N'hésitez pas à pousser les lourdes portes de l'église Saint-Étienne de Saint-Miel pour découvrir cette remarquable sculpture. Allez hop, on reprend encore une fois la route en direction de Verdun. En chemin, on fait une petite halte à Troyon pour jeter un coup d'œil au fort, du même nom, situé en rive droite le long de la D964. Non loin de là, à la hauteur du village de Troyon, fait un arrêt chez deux artisans d'art, Claude Postupac, qui crée une gamme d'objets décoratifs et utilitaires en bois exclusivement à partir d'essences locales issues de vergers et de forêts lorraines. Chaque morceau de bois raconte une histoire dont il vous révélera tous les secrets. Dans l'ancienne grange d'une maison lorraine traditionnelle, il partage également son atelier avec Anne Beaujon. Bonjour Anne. Alors avec dextérité, vous exercez l'art de tresser les fibres végétales pour fabriquer des objets solides, utiles et éco-responsables. C'est tout un programme et on va parler de vannerie donc. Vous travaillez donc des tiges d'osier qui sont naturellement teintes par leurs écorces. Alors l'osier, c'est issu du sol. Oui. Comment cette matière, elle vous a passionné? Comment vous en êtes arrivée à l'art de la vannerie? Ouh, j'ai une grande histoire. Justement, racontez-moi tout. En réalité, avant, j'étais déjà installée en tant que bijoutière, bijoux en liège. Et puis, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui vendait, enfin, qui faisait de la revente. Donc, ça m'a un peu écœurée. Donc, du coup, j'ai dit, il faut que je trouve autre chose. J'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un stage de vannerie. Je dis, pourquoi pas. Et dès que j'ai été faire ce stage de vannerie, j'ai touché cette matière qui est l'osier. Et là, ça a été le déclic. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc, c'est la matière qui vous a appelé, en fait, en quelque sorte. Ah oui, c'est la matière qui m'a appelé. Parce que dès que j'ai commencé à toucher l'osier, bon, il était blanc, hein, il était épluché, mais d'une douceur. Il vous parle, je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est géant. Alors, donc, de là, j'ai dit, c'est ça, je vais continuer à faire ça. Et je me suis renseignée après, au niveau des formations. J'ai trouvé l'École nationale de vannerie. Et tout ça, c'était en juillet 2019. Donc c'est assez récent, en fait. C'est assez récent, c'est pas très vieux, c'est ce que j'allais dire. C'est assez récent. Et en septembre 2019, je suis rentrée à l'École nationale de vannerie pour une semaine de stage. Et alors là, je me suis dit, ça a été la révélation. C'est ça. C'est franchement ça. Donc, j'ai essayé de savoir comment je pouvais faire, etc. D'accord. Et vous êtes installée dans ce petit coin de Meuse ou vous étiez déjà résidente de la Meuse? Alors, je suis moi native de Fougères-en-Bois. J'habitais de la Croix-sur-Meuse, en fait. Juste le village avant. Oui, c'est tout près de Troyon. Ouais, voilà, c'est ça. Et mais comme je n'avais pas de lieu en lui-même pour pouvoir exercer mon activité, donc, c'est Claude, le tourneur, qui m'a dit, écoute, si tu veux, tu viens d'installer juste à côté de moi. Oh, mais voilà. C'est génial parce que ça fait vraiment un pôle créatif, en fait, à Troyon, avec Claude qui tourne le bois, donc, et vous qui travaillez l'osier. C'est tous les deux amoureux du végétal. C'est assez extraordinaire. Alors, moi, j'ai une petite question. On entend de plus en plus souvent parler d'osier vivant. Quelle est la différence? Qu'est-ce que c'est que cet osier vivant? Alors, l'osier vivant, c'est au mois de février-mars, on peut le replanter. Et d'accord. Voilà l'osier vivant, c'est ça l'osier vivant. Ah, donc il va naturellement refaire des racines. Ça fait presque des sculptures, en fait, dans les jardins. Voilà, tout à fait. On peut faire des barrières. Il y a plein de choses à faire avec du l'osier vivant. Hein. Oui, si on regarde sur Internet, on va trouver plein d'images. C'est super beau. Voilà. Une fois qu'il est en terre, mm-hmm. Ben, au printemps, il va refaire des feuilles. D'accord. Des branches et des feuilles. Et c'est reparti. Oui, donc en fait, c'est une œuvre qui va finalement continuer à vivre et qui va évoluer au fil des saisons. Oh, tout à fait. Et tout alors, on va pouvoir recouper au fur et à mesure pour lui garder sa forme initiale ou la diriger ? Pour garder sa forme initiale, en fait, on retire les rameaux de l'année et puis ça, la structure est en elle-même est là, mm-hmm. toujours aussi vivante au mois de novembre. Hein, on fera ça et puis la structure est toujours vivante. Et au mois de... avril, mai, au printemps de l'année d'après, ben, ça repart. D'accord. Bon, ça, c'est assez extraordinaire. On a parlé d'osier vivant. Moi, je voulais savoir aussi un petit peu, parce que avec de l'osier, on fait plein de choses. On fait des paniers, on fait... vous me parliez tout à l'heure d'objets utiles. Il y a plein d'arts et de manières de faire des paniers. Il y a des paniers espagnols, il y a des paniers français, des corbeilles. Enfin, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut apprendre auprès de vous ? On peut acheter votre production, bien sûr, mais il y a aussi des stages qui sont mis en place dans le cadre oui. de la Valeur Parc, c'est ça ? Valeur Parc oui, Naturel Régional de Varennes. Alors, tout dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Eh bien, on peut apprendre à faire des paniers. Oui. On peut apprendre à faire des nichoirs. On peut apprendre à faire des arceaux. Donc, c'est de la vannerie astérie. Hein, mm-hmm. Donc, la vannerie plus ou moins espagnole. Hein, voilà. Espagnole. Oui. On peut apprendre à faire des corbeilles martines. On peut apprendre... Enfin, il y a plein. Même des personnes qui veulent se performer sur des paniers ou... S'ils ont une idée de création, mais alors là, je prends... C'est vraiment des personnes qui ont déjà travaillé l'osier. Oui, ce n'est pas des grands débutants. Voilà, ce n'est pas des débutants et on peut faire leur projet, oui. Mais si, comme moi, ce sont des grands débutants qui ont des paillettes plein les yeux à l'idée de vouloir faire un panier, on peut prendre contact avec vous, s'inscrire. Il y a des stages qui sont organisés toute l'année Toute l'année. Alors moi, les stages, ils commencent en février et mars avec l'osier vivant, bien entendu. Bien sûr. Et ils se finissent au mois de novembre. Et tout le mois de novembre, c'est tout ce qui est décoration de Noël. Ah. Des boules, des étoiles, des sapins de Noël. Il y a plein de choses à faire. Mais on peut pas décrire tout ce qui peut être fait. Parce que oui, parce que c'est un matériau souple, donc tout est envisageable, oui. En fait. Mmh. Oui. Et je fais également, pendant les vacances scolaires, je prends des enfants avec accompagnés. Oui, ouais, ça c'est de transmettre son art, parce qu'on protège bien ce qu'on connaît bien. Donc les enfants, à partir du moment où ils connaissent un savoir-faire, ils vont pouvoir le développer par la suite. Comment vous vous êtes inscrit dans cette démarche Valeur Parc Naturel Régional de Lorraine ? Parce que ça, c'est quelque chose d'un peu particulier pour l'artisanat d'art. Oui, bah, en réalité, c'est Claude qui m'en a parlé de la Valeur Parc. Et mm-hmm. j'ai dit pourquoi pas, parce que c'est reconnu, la Valeur Parc est reconnue. Avec tout son emblème. Et je me disais, bon, je vais demander à rentrer dans la Valeur Parc. Et avec le PNRL, on a réussi à... Enfin, ils sont venus faire un audit. Et suite à cet audit, je pouvais faire partie de la Valeur Parc. Parce que les morceaux d'osier qui sont là, enfin, que je ne me sers pas, parce qu'il y a des morceaux qu'on ne se sert pas, qui cassent, etc. Tout ce qui est déchets, je brûle. Mmh. Donc, ça me fait du chauffage. Ça vous permet d'avoir une production générale. Voilà. Donc, c'est vraiment dans une démarche vertueuse, en fait, c'est ça ? Voilà. Et l'eau, c'est de l'eau de la fontaine. C'est pas de l'eau que je consomme. Là, c'est de l'eau de la fontaine. Donc, tout est naturel. C'est ce qui me plaisait, moi. Pas de produits, pas de chimie, pas de tout ça, quoi. Vraiment une démarche éco-responsable. Transmettre voilà, un savoir-faire séculaire, ouais, c'était des valeurs qui tout vous tenaient à cœur. Mmh. Oui. Tout à fait. Alors, si on veut en savoir plus, si on veut s'inscrire, si on veut découvrir l'offre de stage, comment on fait ? Eh bien, c'est tout simple. On vient à Troyes, on vient me voir. Ou sinon, on appelle au 06 84 24 79 84. Ou alors, j'ai un site internet qui est www.annevannerie.fr. Et on retrouve également toutes les informations concernant vos stages et votre parcours sur le site internet du Parc Naturel Régional de Lorraine, www.pnr-lorraine.com. Voilà, merci beaucoup, tout Anne. Tout à fait. Mais je vous en prie, Élise.